Deux anciens. Ah, les bons, les braves, les excellents de gens. Je puis dire que je les ai eus pour amis. Ils étaient vieux quand j'étais jeune, mais vieux raisonnablement, vieux pour moi seul, et droits comme des chênes, à peine grisonnants, vifs au travail, gais en tout temps. Ils s'appelaient Joseph et Jean Hutreau. Ils étaient frères et charpentiers de leur état. Vous entendez bien que c'étaient des charpentiers de village et qu'ils faisaient autant de menuiserie que de charpente, de la serrurerie à l'occasion, du jardinage quand le métier chômait, un peu de braconnage quand il allait et qu'il les emmenait au loin, dans les coupes de bois ou les fermes écartées. Joseph, l'aîné, avait des cheveux frisés, les yeux bleus, une tête régulière et fine et un corps d'athlète. Il portait sans fléchir un tronc d'arbre équarri sur l'épaule, coupait d'un seul coup de serpe un baliveau de châtaignier, soulevait une charrette dont la roue s'était rompue comme il aurait fait d'une botte de radis. Et quand, pour se reposer au temps de la fenaison, il se louait pour faucher, on eût dit, tant il emportait d'herbe à la pointe de sa fourche, qu'une meule de foin nouveau se promenait sur les prés. Jean n'avait ni la haute taille, ni la noblesse de traits de son frère. Mais il fallait voir ses petits yeux clignotants, couleur de mousse, suivre un train de lièvre dans la rosée du matin, et son adresse qui lui tenait lieu de vigueur pour retourner un madrier, et la manière agile dont il montait aux arbres, tenant autour du bras une corde enroulée qu'il assujettissait à quelque maîtresse branche pour que l'orme, le peuplier ou le frêne, à demi déraciné, tomba du bon côté. Lorsque les deux frères taillaient à la grande scie des planches ou des solives, c'était toujours Jean qui tendait, sur la surface blanche et laiteuse encore de la poutre, la ficelle imbibée d'encre, la pinçait, la tirait, comme la corde d'un arc, et, la lâchant après avoir visé, marquait les lignes égales où devait mordre la scie. Personne ne construisait mieux que lui les cages pour prendre les merles dans les fossés, les trébuchets qu'on suspend aux buissons, les appôts qui trompent les perdrix, les cailles, les vanneaux qui passent la nuit au bord des mares. Et si nous entendions, aux heures appesanties des jours chauds, trois petites ritournelles bien connues des chasseurs montées du fond de la campagne dans le grand recueillement de midi, quête, quête, quête, quête, dette, quête, dette, nous pensions que nos amis, les Hurteaux, employaient le temps de la mérienne à guetter un perdreau rouge. Ils étaient de vaillance rare. Le père, dans les jours mauvais de la Révolution, avait décroché sa mince canardière qui lui servait contre les loups et fait le coup de feu avec ses camarades les chouans du Haut-Anjou. Puis il s'était réconcilié après le concordat avec Napoléon et, je ne sais comment, par goût, ou par force, avait guerroyé en Espagne et en Allemagne. Sa bravoure était légendaire dans les bandes royalistes. Un maréchal de l'Empire le remarqua aussi, et dit à Thomas Hutreau, le soir d'une bataille, « Veux-tu les galons de caporal, mon garçon ?»« Fais tant des jarretières, » avait répondu l'autre, « je veux rester soldat. » Il était rentré au foyer avec trois blessures pour toute retraite. Les fils n'avaient pas eu l'occasion de se battre, mais ils appartenaient bien à cette race de paysans, dignes et courageuses, qui donnaient des héros autant qu'on en voulait dans les jours de danger. Je me souviens qu'un matin, Joseph, en abattant une souche sur un talus de nos champs, se coupa le doigt profondément. Le sang jaillit sur les ronces. Je me trouvai là, et je me sentis pâlir. Je voulus courir pour chercher du secours, de la charpie, des bandes. Mais lui, tranquillement, secoua sa main, l'enveloppa dans des feuilles d'ortie et me dit, avec son sourire clair et son parler à lui, emprunté au métier, « Pas la peine, monsieur René, ce n'est que l'aubier qui a éclaté. » Par malheur, ni Joseph ni Jean n'avaient d'enfants. Ils n'avaient qu'un neveu qui faisait son tour de France et se proposait de leur succéder quand il aurait gagné de l'âge. Les deux frères, n'ayant aucun espoir de postérité, reportaient l'un sur l'autre cette tendresse que Dieu nous met au cœur, et qui tantôt se divise, et tantôt n'a qu'une route et va au même objet. Ils s'aimaient sans se le dire, mais qu'a-t-on besoin des mots? Le bonheur était de se retrouver, dès l'aube, au seuil des deux maisons jumelles du bourg, de se saluer d'un bonjour presque dur, de poser ensemble les outils dans la charrette à bras, de s'en aller de compagnie, causant un peu, ou ne causant pas, vers les métairies où se trouvait le chantier. C'était de travailler jusqu'à midi côte à côte, autour du même arbre qu'on abattait, à la même charpente qui montait, coupant l'air bleu. De recommencer après le dîner, de revenir le soir, traînant à tour de rôle la charrette maintenant pleine de copeaux et de racines que les propriétaires abandonnaient aux charpentiers, selon l'usage, et qui s'amoncelaient dans un angle de la cour commune aux deux ménages. Le dimanche après la messe, Jean Hutreau prenait sa ligne et, le long de la rivière, se glissant à pas de loup, pêchait à la mouche les gardons de surface et les ombres chevaliers qui dorment entre les nénuphars dans le sens du soleil, les nageoires transparentes de lumière et ondulant à peine d'un mouvement de sommeil. Son frère le suivait par amitié, un panier au bras, bien qu'il détestât la pêche. Et, vers 5 heures, Jean lui rendait ce bon office en jouant une partie de boules sous le hangar d'un cabaretier, malgré son aversion naturelle pour les jeux où l'on perd de l'argent. Il vieillissait sans avoir jamais souffert l'un par l'autre, de sorte qu'il s'aimait mieux qu'il n'aimait la vie. Car celle-ci n'est jamais exempte de misère. C'était pour eux, comme je l'ai dit, le manque d'enfants, quelques chômages et la fatigue de 40 ans de travail qui commençaient à leur peser. Le moment vint où il fallut songer à établir le neveu dont le tour de France allait s'achever. Dans 1 mois, il reviendrait au pays, et il était bon qu'il y trouvât une maison blanche et une femme qui eût un peu de bien et beaucoup d'ordre. Car on le disait ouvrier habile, mais trop porté à la dépense, d'humeur légère et peu semblable à celle des deux anciens, Joseph et Jean, ses seuls parents. Telle fut, du moins, la conclusion d'un long conseil que tinrent les deux frères un soir d'automne devant le foyer de l'aîné où brûlait un feu de copeaux blancs. Le lendemain, ils se mirent en route, endimanchés, vers la forêt située à 4 lieues de là. Un peu de tristesse leur serrait le cœur, car ils voyaient l'un comme l'autre que l'établissement du neveu, c'était aussi la retraite des oncles. Fini bientôt le dur métier qu'on regrette tout de même. Fini les courses matinales. Fini les bonjours aux métayers par-dessus les haies, et la joie du travail terminé, quand on plante le bouquet de laurier aux fêtes des charpentes, et les dîners de moissons parmi les rues de Tâcheron, tous voisins, tous alliés, qui rient près de l'airée mieux qu'au repas de noces. Cependant, leur amitié, comme toujours, les soutint, et lorsqu'ils entrèrent dans la forêt, la vue des arbres au milieu desquels ils avaient vécu leur rappela des souvenirs. Les basses branches des hêtres, fendues en éventail, inclinées vers la terre, poudraient d'ombre et de lumière les mousses gonflées d'eau. La couleur fraîche du printemps se retirait de toutes les pointes et descendait, comme pour s'y conserver, dans les herbes flétries qui commençaient à revivre. « Joli bois que le hêtre, disait Joseph, mais difficile à couper droit. Tu devrais bien donner ton secret, Jean, au neveu qui ne l'aura pas appris à tant courir la France. « Tiens, un cerisier, répondait l'autre. Te souviens-tu de l'armoire que tu as faite pour la filleule de la sourinière ? Ah, le beau morceau ! Des portes épaisses de 3 pouces et des soleils dessus, des étoiles, des veines partout comme une flambée. Sais-tu que tu aurais été un fameux nuisier, Joseph, si tu l'avais voulu ? Pour le neveu, on ne peut pas deviner s'il aura du goût pour le bois. C'est trop jeune. Nous étions jeunes tous deux pourtant, quand nous avons commencé. Faudra voir s'il sait, comme toi, débiter 10 douzaines de planches dans un billot de peupliers. Le pauvre gars, je crois surtout, mon Joseph, qu'il n'aura pas tout de suite ton coup de hache. En as-tu jeté à bas des chênes, des ormeaux, des hêtres, des aulnes ? De quoi, en les repiquant debout, faire une forêt comme celle-là ? « Par ici, » dit l'aîné en prenant à gauche une charroyère défoncée. « La coupe où travaille le vieux Sauré doit se trouver sur la côte après la jeune taille. » À 300 mètres, en effet, s'étendait un carré de haute futaie, où les arbres étaient clairsemés, tandis que le brun profond des feuilles s'alignait en houle sur trois de ses côtés et descendait les pentes et remontait les coteaux. Les deux hommes levèrent les yeux comme s'ils cherchaient un vieux nid de ramier, et tout au fond de la coupe, tout en haut d'un chêne émondé qui n'avait plus qu'une branche et un panache d'or, aperçurent le bûcheron sauré. Il était assis à 60 pieds en l'air, sur une planchette retenue le long du tronc par une boucle de corde, les jambes enfourchant l'arbre, le corps penché pour couper le dernier rameau du chêne mutilé. Autour de lui, sur le sol, la futaie abattue gisait en morceaux, longs fûts couverts d'écorce et droits comme des mâts, fagots amoncelés, débris noirs de racines auxquelles tenaient encore des lacis de pervenche verte. « Je vais lui parler, » dit Joseph. « Ohé, Guillaume !» Une tête blanche et maigre, un menton à barbiche longue, deux yeux de chat sauvage se penchèrent vers le bas du chêne, à droite où se trouvait Joseph, puis à gauche où se trouvait Jean. « Je viens pour te parler, Guillaume Sauré, » reprit le charpentier. Une voix répondit de là-haut, traînante. « Tu peux dire, il n'y a pas de voisin. » « Guillaume Sauré, c'est notre neveu qui va rentrer de son tour de France. Moi, je lui bâtirai une maison neuve. Jean, mon frère, la meublerait en joli noyer. Mais on ne se met pas en ménage sans femme, et si tu voulais donner ta fille, ça ferait l'affaire. » J'en ai deux. Tu as l'air de l'oublier, Joseph Hutreau. Deux qui sont grandes, sans compter la petite. Pour laquelle viens-tu? Je pense qu'elle serait toute de son goût, répondit poliment le charpentier, mais nous sommes venus pour l'aînée, parce qu'elle se nomme Julie, comme ma défunte mère. À la pointe du chêne, la planche se balança deux ou trois fois. Sauré avait levé sa hachette et, pour prendre le temps de la réflexion, couper la branche. Des copeaux blancs tourbillonnèrent et tombèrent au pied de l'arbre. Quelque chose éclata comme un coup de pistolet, et un buisson de feuilles, avec sa membrure lourde et faite pour durer, s'écrasa sur le sol. Le bonhomme essuya sa lame en la frottant contre l'écorce, pencha de nouveau la tête et cria. « Je ne dis pas oui, je ne dis pas non. Faut que je finisse mon arbre. Je n'ai pas l'idée à des mariages. Revenez dimanche. » Ils s'en allèrent tout de même satisfaits, Joseph et Jean, les deux vieux frères. Ils connaissaient l'humeur bizarre de ce bûcheron et, après en avoir longuement disserté, furent d'accord que la réponse était favorable au-delà même des prévisions. Les futaies, les taillis crépitaient de chaleur sous l'ardente rayée de cette fin de journée. Le bruit du bois qui se fend et des brins desséchés tombant à travers les étages des frondaisons, couraient en cercle autour des voyageurs. Ils entendaient ces mille coups de la mort qui faisaient son choix dans le monde de la forêt. Jean se sentait très las. C'était le plus faible des deux frères et le plus jeune. Il dit bientôt, comme ils approchaient de la hêtraie qui formait lisière, « Je ne sais pas ce que j'ai, Joseph. C'est pourtant un beau jour et une bonne nouvelle, mais je suis comme un homme qui aurait trop bu. » « Appuie-toi sur mon bras, » répondit Joseph. Une lieue plus loin, Jean se mit à dire. « À présent, il me semble que je suis comme une de nos souches quand nous avons pioché au pied. Je cherche ma place pour tomber, et je tomberai si tu ne me tenais pas. »« Je vais te porter sur mon dos, » répondit l'aîné. Il prit dans ses fortes mains les jambes de son frère et le mit à cheval sur son dos. Jean lui passa les bras autour du cou. Et ils allèrent ainsi pendant une demi-lieue, par les chemins verts qui commençaient à s'embrumer. Puis, voyant qu'ils se fatiguaient et que Jean souffrait de plus en plus, Joseph s'arrêta. « Attends-moi là, bien étendu le long du fossé, mon frère Jean. Nous irons plus vite tout à l'heure. Attends-moi là. » Par la traverse, il courut au village, qui n'était distant que d'une lieue à peine, et il revint avec la petite charrette, leur compagne de travail. Difficilement, Jean y monta. Sa voix était toute changée, et un engourdissement qui s'aggravait de moment en moment rendait presque inertes ses membres. Les roues, cependant, se mirent à tourner avec leur gémissement régulier à chaque tour. Et quand il se vit, ainsi traîné dans la nuit, sous les premières étoiles, à cette heure même où d'habitude il revenait des métairies, Jean trouva la force de dire encore tout tendrement « Ah, mon Joseph, comme tu t'es donné de la peine pour moi. Je suis plus lourd, pas vrai, que des copeaux de bois dur. » Le pauvre homme était bien malade. Il vécut encore 2 jours et s'en alla en paradis où vont les cœurs tout simples et tout droits comme lui. Joseph resta seul. Ni la construction de la maison blanche, ni le mariage de son neveu ne le consolèrent, ni même de reprendre le travail et de présenter le jeune homme dans les fermes. Il regardait celui-ci tourner et retourner les madriers, les entailler, les ajuster, et il ne pouvait nier l'adresse du nouveau maître charpentier. Mais il pensait en lui-même, « Ça n'est plus la manière de Jean. » Il essaya de se remettre à abattre des arbres, mais il reconnut que sa bonne hache ne coupait plus. Peut-être ses forces avaient-elles baissé. Il voulut faire ce que faisait Jean, et marquer les lignes pour la scie sur les billots équarris, et il s'aperçut que ses yeux toujours mouillés mesuraient mal les intervalles, et que la ficelle pleine d'encre tremblait au bout de ses doigts. Alors, il laissa tous ses outils au neveu, moins la charrette qu'il remisa sous un appentis. Il devint casanier. Je ne le vis plus que dans son jardin où il cultivait des légumes et quelques fleurs d'ancienne date, dont les graines avaient bien eu 30 générations d'ancêtres au même endroit. Sa belle figure droite s'était un peu amincie. Le sourire tranquille de ses yeux bleus ne l'avait pas quitté. Quand je lui disais « Bonjour, Joseph !» il tendait sa main par-dessus la haie. Si j'ajoutais « Comment allez-vous »« Il semble que vous ne vieillissez pas. » Il répondait « Je me sens vieux depuis que l'autre n'est plus là. » Et il souriait encore pour dire « J'irai bientôt retrouver mon Jean. » 1 an plus tard, il l'avait retrouvé. La vigne folle du jardin poussa des rames sur les poiriers et prit l'aspect d'un petit hallier. Les mauvaises herbes emplirent les carrés. Depuis longtemps déjà, je n'entendais plus les « quêtes, quêtes, dettes » dans les bas-fonds qui bordent la rivière, et les poissons de surface, entre les nénuphars, sautaient après des mouches que ne tenait aucun fil.